Le séminaire national sur les idées du Tutsi se thème « Rôle des jeunes dans l'éducation d'une Afrique indépendante » à l'occasion du 58e anniversaire de l'indépendance de Guinée s'est déroulé le 4 novembre à Conakry. Y ont participé les personnalités de l'Association démocratique de l'Afrique, Parti démocrate de Guinée et des formations d'études des idées du Tutsi, notamment le Comité national d'études du kimsunisme kimzongilisme de Guinée, les habitants ainsi que l'ambassadeur coréen dans ce pays et ses collaborateurs, la délégation de la Société des sociologues coréens en visite des pays africains. Il y a eu tout d'abord un discours de félicitations du secrétaire général de l'Association démocratique de l'Afrique, Parti démocrate de Guinée, suivi d'un rapport et des interventions. Les orateurs ont exalté les espoirs du camarade Kim Jong-un, qui a défini les idées du Tutsi, créées et développées par le président Kim Il-sung et le général Kim Jong-il, comme kimsunisme, kimzongilisme, et conduit avec clairvoyance la révolution et l'édification en le prenant pour directive. Ils ont exprimé leur détermination de suivre les expériences de la République populaire démocratique de Corée, qui a réglé parfaitement le problème des jeunes pour ainsi contribuer efficacement à l'édification d'une Afrique indépendante et prospère. Les participants ont adopté un message de félicitations à l'adresse du maréchal Kim Jong-un.